Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 56. Des préceptes de la prudence. Il n'était pas nécessaire que le décalogue contînt des préceptes sur la prudence. Cependant, la loi ancienne en dut renfermer contre les vices opposés à cette vertu. 1. Le décalogue devait-il prescrire la prudence? On ne voit dans le décalogue aucun commandement à l'égard de la prudence, cela suffit pour conclure qu'il ne devait pas la prescrire. Les préceptes qui composent le décalogue devaient tous appartenir à la raison naturelle et être reconnus immédiatement comme tels. Or ce qui est surtout enseigné par la raison naturelle, ce sont les fins de la vie humaine, qui sont pour les choses pratiques ce que les axiomes sont dans les sciences spéculatives. Dès lors la prudence, qui a seulement pour objet les moyens d'arriver à nos fins, ne devait pas figurer dans le décalogue, bien que tous les préceptes qui y sont contenus aient des rapports avec elle, en tant qu'elle dirige tous les actes vertueux. Note. La prudence, dira quelqu'un, est la première de toutes les vertus morales, le décalogue devait la prescrire. La prudence, il est vrai, est, absolument parlant, la première des vertus morales, mais la justice renferme néanmoins d'une manière plus essentielle l'idée de dette, nécessaire à tout précepte. Par cela même, les principaux préceptes de la loi, ceux du décalogue, devaient ordonner la justice plutôt que la prudence. La doctrine évangélique, enseignement parfait qui instruit l'homme sur tout ce qui tient à la droiture de la vie, sur les fins et sur les moyens, a dû commander la prudence. Aussi notre Seigneur disait-il, « Soyez prudents comme des serpents ». Matthieu 10, 16. Il convenait aussi que, dans les autres instructions de l'Ancien Testament, qui se rapportent au décalogue comme à leur fin, les hommes fussent instruits de ce qui regarde la vertu de la prudence, puisque cette vertu s'applique au moyen d'arriver à une fin. De là ces paroles, « Ne vous appuyez pas sur votre prudence. » Proverbe 3, 5. Ayez soin que vos yeux précèdent vos pas. Proverbe 4, 25. 2. Devait-il y avoir dans la loi ancienne des préceptes prohibitifs touchant les vices opposés à la prudence? Par cela seul que, dans la loi ancienne, il existait des préceptes prohibitifs concernant les vices opposés à la prudence, par exemple ceux-ci. Vous ne ferez pas de calomnie contre votre prochain, Lévitique 19, 13. Vous ne garderez pas secrètement divers poids, l'un plus petit, l'autre plus grand, Deutéronome 25, 13. Ces vices devaient être défendus. L'astuce est un vice qui, quant à l'exécution matérielle, s'exerce surtout contre la justice. Il convenait évidemment que la loi contint à son sujet des préceptes prohibitifs, et c'est ce qu'elle fit en proscrivant les ruses et les fraudes dont on use pour calomnier le prochain ou pour lui dérober ses biens. Note. On demandera peut-être pourquoi l'astuce est défendue dans la loi ancienne, plutôt que les autres vices opposés directement à la prudence. La raison en est que les vices opposés directement à la prudence ne touchent pas d'aussi près à l'injustice que la fraude, le vol et la calomnie, dont l'astuce est le principe. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.